Aïe, on m'appelle le phénomène ou même la crème de l'Essonne. Sors une mitrailleuse, un katana, leur tête se décolle. Mate le décor, ils se demandent comment la bête se prénomme. Le caporal est de retour, un tas de merde se dévore. Porte la nouvelle dans le coin, y'a un nouveau dealer de rimes. Enfin les lyricistes, un homme invisible. Aïe, voici le briseur de vitres ou même le siffleur de deal. Acclame le killer de vide qui est là, c'est le kicker de ma gueule. Y'a pas de 9-1 sans les hélices, y'a pas de 9-1 sans qu'on punisse. Y'a pas de 9-1 sans Evris, Green et que les autres se prémunissent. C'est les prémices de la révolte, préviens les autres, on charge des codes, mon rap, des potes. En scratch, tu kiffes, mais devant tes vieux potes, tu chipotes. Pédale, laisse ta place à ceux qui ressentent vraiment les choses. T'es dans le milieu, mais t'es qu'une pute qui se serait profond pour une dose. Ça, c'est la rose du salopard. Pour Alka, on met ça au top. Prends-en de la graine, ça c'est de la crème. Et toi, dans ton coin, tu capotes. L'opinion d'un schlag, le schlag au fond de la poche. L'iris noyé d'amertume, le chétal au fond de la gorge. J'ai trop d'idées sombres, des bombes à ces minuit. Minuit, tu pèserais les ondes. Tu te putes, tu fais baiser le monde. Kenko, Rocho, Poto, Thomas Trizel, Delport, Antoine, Willy, Evry. L'enfant des portes, moi faut que tu te pépilles. Ma viande trop d'esprit, mortel, si t'as le culot de venir nous checker. Il est comme une bunker, on ne l'accepte pas, peu importe la tête. Est-ce pas trop violent pour toi? WFO, WFE. Pas de jazz, baisse les stars, on se couche tard. J't'ai rafale, l'ennemi sur la tête, sur la bouche, en bouche, comme ta cagoule. Ok, motherfuck, ramène-moi toutes tes potes. Que okay. J'ai des kicks, que j'ai des potes. Moi okay. C'est qui, moi c'est coq. Oh okay. Tiens bien ça mon pote. 91 on te botte, 91 on te choque, 91 tu nous stocks. Ouais, je raye en bas de la tête, toujours pareil. Je me pense à la rapta de la veille. Je retranscris mon seum et mon mal-être. Baisse le smic, moi je veux ma mallette. La mer à ceux qui nous arrêtent. La roue de piste, le doigt sur la gâchette. Pas dessus quand les petits frappes te raquettent. Les commandes ici tous vont, ici tout s'achète. Propose un beat que je le fracasse. Faire taire ceux qui jacassent. L'artième c'est hors terre. Représente pour les chiens blackass. Évite les faux car y'a des dommages collatéraux. Pas de face de dalpé, on crache un phrasé hétéro. Les gens n'aiment pas les gens donc on avance en mif. Hyperactif, africain dalle venu chercher le bif. 9-1 et temple, laisse-moi leur dire c'est quoi les bails. Ma musicale somme de 3 tafs pour que tu fly. Ouais comment ça, moi je suis suspecté. Tu veux que je rappe, ramène-moi de la tease et de quoi becter. Pour que je dette ça, faut que je sois pété. Pas là pour se la péter ni se rapper, c'est j'aime baiser. C'est ta prod que je viens dresser, traiter. Fouetter la boîte, t'es comme une chienne, tu vas regretter. Nire tête horrible, les mecs trop riches. Rap de riche, viole ta putain de tectonique. On rap vénère sur le beat, hein, écurie les 3F1. La rime devient technique, c'était MPO double F1. Je ramène un style brutal, qualifie-moi de type chelou. À ta boîte, à mes décos, le peu rao, garde à vous. Ne venez pas tester les gens. 9-1, c'est mon département ici. Dès le départ, c'est mort, préparez vos pansements. Deux CRS foutus en sang, poteau, dis-moi, tu penses comment? Inconsciemment, t'inquiète, on tarterait, on fait ça sauvagement. On va à n'importe quelle heure. 9-1 killer, si l'argent n'avait pas d'odeur, j'aurais pas tenu comme Krillin. Fuck les petits tempes, on sonne les sonnes, frère. On rêve de Miss Moon comme Geneviève de Fontenay. J'arrive de nulle part, telle une roquette cassante. Viens partez, j'ai la tête casse, hein. Dans mon castal, ça manque de mayonnaise. J'ai les gros, dit à Sarko que j'serai jamais sa putain de mayonnaise. Rap de bison, respect mes nouveaux baisons. Dur de pas gerber vu tout le rap que nous disons. Fume l'écriture pure, peu importe les saisons. La police du rap vient chez Chino pour faire des saisies. On blast le Koji ici, le shit là t'y stimule. On t'immole, c'est pas son autre son que l'état gesticule. Discute, évite la dispute, on t'encule. On débarque dans le vestibule, salope, lèche mes testicules. Les istes sans résine, colère sortie de l'usine. Vu que cela touche trop, mes yeux te fusillent. Essence, la crème, alcane et au chrome. Marocain, j'irai rouillant, mangeront gros. Ramène ta gueule dans mon 9-1. Ça pousse la fonte et les sevilles dans le dark. Les putes kiffent sur mon 9-1. White beat, tiré vers le bas. Les bras en l'air, cousé filé par les gyrophares, on bascule en mode légionnaire. Mec à l'ancienne, moi, faut que la tectonique, j'suis pas la mode, hein. Regarde ma calvitie, j'ferai pas la crête, faut que la mode. J'suis en mode ghetto youth, 91 trop violent, c'est farceur. La rafale sort mes cordes vocales, sortez les pare-balles, 91. Son lourd qui vient de taper ça dans les tympans. Samo Omat, j'amène Fleury au front, eh ouais, mon grand. Si j'rappe, c'est pour mes frères emprisonnés dans le quartier. Les honnêtes, dur mon chez 40 têtes pour représenter. La France, quel lec, mais quand j'pose un couplet, fais bel lec, tu m'as défoncé sans. Aujourd'hui on fait la belle mec, c'est le titre au tas. Grigny, faites attention, y'a des délords d'armes et des morts mec. Des morts mec, avant de poser mes premiers pas. Dans l'esprit, je vais me première patte sur lequel les frères vous me prenez pas. Vous jurez sur quoi? ferme ta gueule. Le whisky c'est le démon. Tu me tèches des démons sur la démo. Tandachi, ferme ta chatte. Pour le Maghreb c'est déshonneur. Sachant que nos chances de réussite sont minimes face au leur. Un son de zonard, sonne l'alarme. Boucler le périmètre. Des études échauffent ma lame. Plutôt que de gérer un périmètre. Voici les lyrics, lance roquette. Avalanche de bastos. Allonge-toi sur la moquette. Le temps je balance le matos. Venant sur toutes les maquettes. Les MC perdent la tête. Adepte de la machette. One step on Ben Laden. Bande de salopes. Allez-y, crie Mayday. Tu veux du vrai rap? Avec moi, y'a Tonton Erasmo. Toujours au cœur du TRTR. C'est endout.com. N'est pas le somme si t'as pas la somme. Une tête d'ange aux lyrics de sorcière. Michel O.R. Si tu veux me demain, tu me trouveras ailleurs. U2M, pas le temps de me retourner, te parler, négocier. Ce que je veux, c'est briller, faire flasher les billets. Je viens du PS, réputé pour la vente de 16. Petit quartier, mais dynamique. Si tu fais le malin, on sort les gros moyens comme la dynamite. Faire tes tchakals, cousin, tout le monde veut graille. Pour l'honneur, ça défouraille. Pour les territoires, ça bataille. Je viens de la banlieue sud. Rien à foutre du bronze. J'pète tout ce qui bouge. On a la dalle, c'est l'heure de casser des bouges. 8 mesures pour fermer les grandes bouges. Dehors, c'est la jungle, ouais. Ok, j'fais le mariole à la chez moi, c'est la crise. Y'a jamais eu de bif, même si en oreille, ils seront blanchis par les marques de ton cul. Idéologiste, aux idées tordues. Mordu dès le départ. Guépard dans ma rue, t'as vu. Live des messos s'organisant en bloc. La 9-1 crème de whisky. MC fait pas mesquis. Tu nous suceras comme Monica Lewinsky. La douane on fait ski. La pointe de diète. Lyon soigne nos blessures au pont. Shit. Livré pour couronne et sonne. Zone affectée de bonhomme. Dysphorie souterraine. Économie tronc les gros gros. J'arrive les terres sur ce beat. Comme un braqueur devant la brinche. Ou comme un te respect dans ma ville. Trop violent comme l'union bestiale qui vient de buter. Trop violent comme la mort de Benazir Buto. C'est Black Orladen et Marson Hussein. De négro bizarre à la rime malsaine. C'est les aigles du Mali et les lions du Galten. Le bestiaux draleux toujours prêt à attaquer. On vise la lucarne, toi tu vises le poteau. Rien à foutre que tu sois vexé par nos propos.